Rail suprême. 12h, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Dimanche soir, c'est Rail Suprême. Il est de retour de Thaïlande, ouais, il est en pleine forme, ouais, il est là, il est beau, il est bronzé, il est musclé. C'est DJ Case. C'est ça, ouais, j'ai passé une super semaine. On a fait kiffer, il y a énormément de Français là-bas au club, en Thaïlande, donc c'est mortel. Et là, je suis content de revenir ici dans les locaux de Skyrock pour faire menteur. Kiffer la France. Menteur. T'aurais préféré rester au soleil. Bah, avec ce froid, ouais, ça n'a rien à voir. Je te comprends, 36, 37 degrés, ouais, c'est bon. Bah, mais tout j'ai reçu ma carte postale sinon. Non, pas encore. Mais je te soupçonne de ne pas l'avoir envoyé. Bon bah c'est parti en tout cas pour une pour faire kiffer les gens là dans la France entière, on y va? C'est ça, on y va. Coup d'envoi de ce Rail Suprême, go. Comme en Colombia, armé jusqu'aux dents, c'est l'Amazonia. Comme en Colombia, armé jusqu'aux dents, c'est l'Amazonia. Ne joue pas trop mia. Façon nos jours peu sont fiables. Cherche pas, je suis grillé. Pour me chercher, faudrait un miracle. À quoi tu joues là? Tu crois que je suis ton pote? Tu m'as pris pour qui là? Tu m'as ouvert les yeux. Oh mamma mia. Fais tout chier. Et je m'en tape des gens qui a. Je jugerai pas moi sans savoir guider. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. Dieu de me guider. Dieu de me guider. J'ai besoin de me vider. Tu es là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi je rentre en acide. Viens donc dans ma world. Tu es là, tu vois pas, tu dors. Tu es là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique. Tu monteras, plus tard on te tuera. C'est la loi du milieu, là où des armes et des goïs il y a. Ça te chasse comme à la corrida. Ça sert à rien de faire le gorilla. Tu te rappelles, vous riez. Maintenant vous êtes là. Heureusement j'ai trié. Je ne regrette pas. Et j'esquive toutes ces billacs. Sur Pépé ils font la criade. Elles mordent pas, font que crier. Cherche une suite au kiriade. Et puis rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Les choses à ma manière, tant mieux que ça a marché. Un peu de miel, je la monte en l'air. Coudrait, elle crie mon nom. Deux, trois belles paroles en l'air. Et elle me dit, t'es mon homme. Tu es là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi, je rentre en Asie. Viens donc dans ma world. Tu es là, tu vois pas, tu dors. Tu es là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique, tu es là, tu me...

في قلبك كنت وياه sur Skyrock Rise Suprême le dimanche soir. Case, et ouais. On est à mi-chemin. On est à mi-chemin, ouais. 40 bonnes minutes de son. Et puis là, juste après la pub, on va refaire péter tout ça. Des N'hésitez nouveautés, pas. Des ouais, classiques. Tout, des... Ouais, voilà, on va vraiment. Il y a de tout sur Rise Suprême maintenant. Et on voyage. Et on voyage, voilà, dans les quatre coins du monde. Donc restez à l'écoute. Après la pub, je remets ça et on va tout défoncer. Bougez pas, c'est juste après ça. Rise Suprême, minuit, 2h, DJ Kayst, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. C'est DJ Kayst. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rise Suprême. soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah.

DJ Kaze au platine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. On Skyrock.

Come on, mommy, on the beach. On va remettre le soleil sur les visages tristes. So, lève-toi, homie, bouge-toi, homie. Appelle tes frères, tes potes, tes talons. Yeah.

sur platine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. Tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. Ton secteur. Tout le monde est naïf, mais ça va.

tiens me semble si mauvais. C'est Rail Suprême. Et peu importe à quel prix il faudra payer mes cris, je ne serai jamais de ces amis qui brisent notre vie. Tu m'as donné ce que je n'avais envisagé, la force pour moi. Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la bague, par peur de faire marave.

Merci Case pour cette soirée. Merci à vous, je me suis bien défoulé. Et bah pareil, c'était bon une fois de plus. Ah prochain oui. Rail Suprême dans une semaine. J'ai pas regretté d'être venu. Oh là, d'ici là. Excuse-moi, j'ai un mec qui est dissipé pendant cette émission. Il touche. Il aime bien toucher. Ouais. Il aime bien cafouiller. Et il est beau en plus. Là, c'est Rail Suprême. En fait. C'est Rail Suprême, le retour. Ce sera dans une semaine, Case. Ouais. D'ici là, pour te suivre, les réseaux sociaux, rappelle-nous. Les réseaux sociaux, sur Facebook, la page fan, c'est DJ Case, DJ espace K-A-Y-Z. Instagram, Twitter, Snapchat, c'est DJ Case Paris. Et voilà, pour checker les soirées, tout ça. Et dans... durant les prochaines émissions, il y aura sûrement des invités. On va voilà, faire kiffer. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Rail Suprême, la émission numéro 1 du dimanche soir, minuit 2h. Merci, Case. Bisous à vous. Ciao, bonne semaine. Et rendez-vous dans une semaine avec Case. Passez une bonne soirée. Le son, ça continue sur Skyrock. Ciao.